Merci beaucoup, Monsieur Legnaud, pour cette introduction et merci évidemment au Centre de recherche de Versailles et Laurent Caz, Alexandre Maral pour cette invitation à parler d'un sujet qui me tient à cœur puisqu'effectivement il a fait l'objet de ma thèse d'École des chartes sous la direction notamment d'Alexandre Maral. Aujourd'hui, il s'agira donc pour moi, dans le cadre plus global de ce colloque, qui vise donc à retracer l'histoire des galeries historiques dans toute leur complexité et leur profondeur, de présenter les collections de portraits du musée afin d'en illustrer plusieurs grandes problématiques. Et je pense qu'il est assez intéressant que cette communication soit placée au début de la journée parce qu'elle introduit un certain nombre de problématiques qui feront l'objet de développements ultérieurs dans les communications de la suite de la journée. Pourquoi donc les collections de portraits ? D'une part, parce que ces collections sont le reflet des grands modèles qui ont inspiré l'artisan des galeries historiques, Louis-Philippe, qui, en tant qu'héritier d'une grande dynastie d'Ancien Régime, a grandi entouré des portraits, notamment de ses ancêtres, et s'inscrit dans la lignée des galeries d'hommes illustres, telles qu'on les connaît depuis l'Antiquité. À ceci près qu'à Versailles, c'est pour le grand public que sont pensées les galeries, et j'y reviendrai, c'est ce qui fait l'originalité fondamentale de cet établissement. Vous voyez à l'écran justement un certain nombre de portraits de Louis-Philippe qui illustrent la variété des techniques et des approches possibles du portrait ici, concernant évidemment le personnage principal qui nous occupe. Dans un second temps, l'analyse des collections de portraits permet d'aborder une question essentielle, celle de la méthodologie de la constitution des collections des galeries. En effet, les portraits sont extrêmement révélateurs de la manière dont ont été rassemblées ou créées les collections du musée historique et ancrent le musée dans des pratiques patrimoniales et artistiques à la fois traditionnelles, comme dans le cas des copies ou de la récupération d'œuvres plus anciennes, et très caractéristiques du XIXe siècle, dans le cas des moulages ou des commandes massives d'œuvres sur lesquelles je reviendrai. Dans un dernier temps, il s'agira ici de revenir sur la signification intrinsèque du portrait pour le musée historique et du témoignage qu'il constitue de ses aspirations intellectuelles, scientifiques, politiques ou encore sociologiques. Avant de débuter cette présentation, il me faut tout d'abord définir en quelques mots un peu fastidieux mais néanmoins indispensables mon objet d'étude d'aujourd'hui et vous présenter, j'en ai peur, quelques chiffres pour vous donner une idée quantitative de la représentation du portrait au sein des collections du musée historique. Pour ce faire, je vous propose deux repères chronologiques liés à l'apparition de catalogues de référence concernant les collections du musée historique, dont je pourrais redire quelques mots au moment des questions si cela vous intéresse, car la comparaison de ces deux catalogues, qui ont presque une vingtaine d'années d'écart, est assez éloquente du point de vue de l'évolution de la méthodologie en histoire de l'art au milieu du siècle. Le premier donc que vous voyez à l'écran est le catalogue publié par le musée entre 1837 et 1839, à la moitié donc à peu près du règne de Louis-Philippe. À cette date, une analyse quantitative des 4 tomes du catalogue nous indique que les portraits, peintures et sculptures confondues, sont au nombre de 2090 sur 3339 œuvres recensées par le catalogue, soit un peu plus de 60% des collections. Si l'on analyse à présent mon deuxième jalon chronologique, qui est le fameux catalogue rédigé par Eudore Soulier et publié dans sa première édition en 1855, la différence avec la fin des années 1830 est significative, puisque le catalogue recense désormais 4900 œuvres, parmi lesquelles 3639 sont des portraits. Désormais, la proportion de portraits est donc d'environ 75%. Donc, vous voyez ici l'augmentation non seulement de la quantité d'œuvres du musée, mais également de la proportion de portraits qui constitue donc la grande majorité des œuvres des galeries historiques. Il me semble que ces chiffres justifient donc de même l'intérêt que l'on peut porter au genre du portrait si l'on souhaite appréhender dans leur globalité les enjeux du musée historique. J'aimerais à présent aborder mon premier point, c'est-à-dire la question des modèles et des inspirations des galeries historiques. Cette question est indissociable de celle de l'éducation de Louis-Philippe si l'on peut dire, de l'univers mental, intellectuel et artistique dans lequel ce dernier évolue depuis sa plus tendre enfance. Louis-Philippe naît en effet en 1773 au Palais-Royal. Il est le fils aîné de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans et de Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon. Et comme ses frères et sœurs, il est confié à l'âge de 9 ans à la comtesse Félicité de Genlis et bénéficie, en même temps qu'il le subit, d'un programme éducatif très complet, inspiré notamment des théories de la pédagogie rousseauiste dont Félicité de Genlis est une adepte. Ce programme éducatif inclut non seulement des disciplines classiques, telles que l'histoire, mais également des exercices physiques très poussés que Louis-Philippe décrit dans ses mémoires et qui sont au demeurant d'une rigueur quasi militaire. Ce qui est cependant profondément original dans les méthodes d'éducation de la comtesse, c'est son intérêt pour les supports ludiques recourant à l'image. On connaît la lanterne magique qu'elle fait confectionner pour la duchesse d'Orléans. On connaît également les maquettes qu'elle fait réaliser afin de montrer aux enfants en quoi consiste un atelier de serrurerie, d'eau forte, de clouterie, etc. Et vous voyez à l'écran plusieurs exemples de ces maquettes aujourd'hui conservées au Conservatoire national des arts et métiers. Et elle dépasse finalement ses supports visuels pour faire rejouer aux enfants les grands événements de l'histoire où ils incarnent des personnages historiques. Jusqu'à la Révolution, le jeune Louis-Philippe, encore duc de Chartres, passe donc une partie de son temps au Palais Royal, où existe, probablement jusqu'à l'incendie de 1780, une galerie des hommes illustres, réalisée, comme on le sait, par Simon Vouet et Philippe de Champaigne, à la demande de Richelieu, et qui rassemblait les portraits de grands hommes d'État. Et il est fort probable que Louis-Philippe en ait, sinon conservé des souvenirs, du moins en ait eu connaissance de par sa passion pour l'histoire du Palais Royal, dans lequel, je le rappelle, il crée lui-même deux galeries, une galerie historique portant sur l'histoire du palais et une galerie des batailles servant de salle de réception et consistant en un ensemble éclectique de paysages et d'œuvres à caractère mythologique ou historique. Une deuxième résidence a bercé l'enfance du jeune duc de Chartres, et c'est le château d'Eu en Normandie. Or, ce dernier constitue l'écrin d'une grande collection de portraits, hérité notamment de la grande mademoiselle Anne-Marie-Louise d'Orléans, et qui comprend les portraits des occupants successifs du château, ainsi que de grands personnages de l'histoire, rois, reines, papes, sous forme de bustes sculptés ou de portraits peints. Là encore, Louis-Philippe s'approprie d'ailleurs la résidence de ses ancêtres en réaménageant la galerie dite de Guise, et vous voyez à l'écran une estampe qui la représente, et en y appliquant donc le même genre de choix ornementaux qu'à Versailles, à savoir des œuvres encastrées dans les boiseries, accompagnées de motifs décoratifs répétés en frise. Enfin, je citerai un dernier modèle qui a pu inspirer Louis-Philippe, et c'est la salle des maréchaux aux Tuileries, aménagée en 1805, et qu'il a sans doute vue tardivement à son retour d'exil. Et donc cette salle, dont à nouveau vous voyez une estampe à l'écran, consiste en un ensemble de 18 portraits de maréchaux d'Empire qui avaient été placés là à la demande de Napoléon, portraits en pied placés au mur alternativement avec des bustes sculptés, ce qui est exactement le même vocabulaire et le même parti pris qu'on retrouve dans la galerie des batailles à Versailles. Et Louis-Philippe fait donc de cette résidence des Tuileries sa résidence principale et entreprend, au début des années 1830, de réaménager le château, et les portraits des maréchaux seront finalement incorporés aux collections des galeries de Versailles. Alors, je m'excuse pour ce survol très rapide des modèles qui donc ont été ceux de Louis-Philippe et de son administration des musées, puisqu'évidemment, Louis-Philippe n'est pas seul à effectuer des choix esthétiques, notamment concernant les galeries historiques. Et cela m'amène à mon second point, consacré donc à la collection de portraits en elle-même et surtout à son rassemblement. Tout d'abord, il me faut rappeler la complexité et l'hétérogénéité d'une telle collection. En effet, par collection de portraits, on entend aussi bien les portraits peints que sculptés, les originaux comme les copies, les œuvres anciennes comme les œuvres contemporaines. Si l'on reprend dans le détail les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, à partir du catalogue de 1837-1839, on avait évoqué un chiffre de 2100 portraits environ pour 3300 œuvres. Et on voit ici que la proportion d'œuvres originales parmi ces 2100 portraits est d'un peu moins de 2/3, soit 1300 œuvres. Parmi les portraits peints, 135 sont des portraits réalisés au XIXe siècle, 208 des tableaux dits anciens, 622 des tableaux dits du temps, c'est-à-dire contemporains de l'événement représenté, et 467 des copies, les 200 portraits restants n'étant pas caractérisés dans le catalogue. On voit ici la limite d'un outil intéressant, mais somme toute encore assez simpliste dans sa conception, ce qu'on ne retrouve pas dans le catalogue de Soulier plus tard. Quant à la proportion entre peinture et sculpture, elle est en moyenne d'une sculpture pour trois peintures à la fin des années 1830. Donc ces chiffres pour vous donner justement une idée de l'hétérogénéité de ces collections extrêmement diverses, et qui, malgré tout, témoignent, et ce n'est d'ailleurs pas incompatible, d'un véritable esprit de syncrétisme. D'une part, on retrouve un nombre conséquent d'œuvres anciennes qui font le lien avec des collections françaises traditionnelles. Qu'elles soient peintes ou sculptées, il est évident que Louis-Philippe a su convoquer quelques-unes des plus grandes collections françaises dans lesquelles il a pioché pour constituer les collections du musée historique. Et parmi ces anciennes collections françaises, on peut citer par exemple les collections de la Sorbonne, et vous voyez ici un portrait de Montaigne issu de ces anciennes collections de la Sorbonne, collections qui contiennent de nombreux portraits de théologiens, de savants, d'hommes de lettres, dont 65 rejoignent Versailles. On peut citer également, donc pour information, et je vous cite donc un certain nombre de collections, Saint-Denis, Notre-Dame, les Grands Augustins, le Château de Gaillon, Saint-Germain-l'Auxerrois, le Couvent des Cordeliers, les Feuillants, Saint-André-des-Arcs, et vous avez ici des éléments du monument funéraire de Jacques-Auguste de Thou, issu de Saint-André-des-Arcs, les Minimes de la Place Royale, les Célestins, le Palais Royal, Saint-Roch, ainsi que certains collèges, églises, abbayes, couvents, chapelles correspondant aux biens liés à de grandes familles françaises. Parmi les auteurs des portraits peints originaux, on trouve notamment des œuvres attribuées à ou de l'école de François Cluet, Franz Purbus, et vous voyez ici un portrait de son atelier de représentant Louis XIII, Durer, Philippe de Champaigne ou encore Joseph-Marie Vine. Concernant maintenant les portraits modernes, réalisés d'après des commandes passées par l'administration des musées du temps de Louis-Philippe, on sait grâce aux archives qu'ils étaient attribués à des artistes de statuts différents selon l'importance du personnage représenté, les portraits des membres de la famille royale étant confiés aux artistes les plus importants. Le niveau de rémunération correspond également au niveau de complexité de l'œuvre. Je vous présente à l'écran un exemple issu des archives des musées nationaux, une liste de commandes passée en 1836, où l'on voit bien s'exprimer une gradation entre les artistes selon leur rang, et donc je l'agrandis, puisqu'évidemment je me doute que vous ne pouvez pas le déchiffrer d'ici. Donc sur ce document, sur le haut du document, on voit apparaître Gudin, donc un pâtre de marine, pour 200 000 francs, et le peintre Franck, 35 portraits pour 3 000 francs. On voit ici déjà s'opérer une première échelle, une première distinction entre des artistes de niveau différent et donc rémunérés en conséquence. Et si l'on poursuit sur ce même document, Meuret, donc pour un portrait miniature du roi, pour 2 000 francs, Horace Vernet, 13 tableaux pour 220 000 francs. Et les peintres Biard, Isabey, Allot et Winterhalter, 4 tableaux pour 42 000 francs. Et tout en dessous, Harry Schaeffer pour une statue du duc d'Orléans pour 12 000 francs. Donc on voit ici s'étaler, on va dire, l'échelle des prix selon le rang de l'artiste et l'importance de l'œuvre qu'il crée. Et d'une manière générale, pour vous donner un ordre d'idée, Louis-Philippe accorde 300 francs pour un portrait en buste réalisé par un artiste secondaire, 450 à 800 francs pour un grand buste, aussi appelé buste avec main, 1200 francs pour un portrait en pied, 1800 francs pour un portrait équestre et 12 000 francs pour une statue en marbre en pied. Voilà des chiffres indicatifs qui donnent un ordre d'idée. Un artiste majeur comme Cognet, Moses, Schaeffer, Vernet, Gros, Delaroche, Lamy ou Fleury peut obtenir entre 1500 et 12 000 francs pour un tableau selon le sujet, les mieux payés étant ceux représentant le roi ou son entourage ou ceux destinés à la salle Louis-Philippe. Winterhalter demeure probablement l'artiste le mieux payé en tant que portraitiste attitré du roi, qui fait appel à lui notamment pour les répétitions de portraits destinés à ses fidèles ou aux tableaux diplomatiques. Et on peut ajouter à Winterhalter Horace Vernet, qui figure également pour des sommes très importantes dans les listes de commandes des galeries historiques. Une dernière catégorie de portraits sur laquelle je souhaiterais insister à présent, qui m'intéresse beaucoup, est celle des copies. Faisant le lien entre œuvres anciennes et créations contemporaines, elles constituent une part importante des galeries historiques. En effet, de nombreuses œuvres sont des copies d'œuvres anciennes, soit que ces dernières soient conservées encore par les familles des descendants des personnages représentés et que celles-ci refusent de s'en départir. C'est le cas par exemple de Louis-Philippe lui-même lorsqu'il commande des copies des portraits conservés dans sa résidence 2, soit que les œuvres initiales soient difficilement déplaçables. C'est notamment le cas des nombreuses effigies funéraires que Louis-Philippe souhaite intégrer aux collections de Versailles, en particulier pour des personnages de temps anciens, dont la seule représentation conservée est bien souvent celle de leur tombeau. À cet effet, Louis-Philippe fait intervenir les mouleurs de l'atelier de moulage du Louvre, dirigé par Pierre-Henri Jacquet, afin de faire copier partout en France, voire à l'étranger, les portraits funéraires de personnages illustres. Et vous voyez donc à l'écran un moulage effectué par donc Pierre-Henri Jacquet du tombeau de Philippe le Beau et Jeanne la Folle de Grenade. Il faut préciser à ce sujet que certains tombeaux ont pu être ramenés en l'état à Versailles afin de prendre place dans les galeries historiques, comme Alexandre Lenoir avait pu le faire lui-même auparavant avec les tombeaux de Saint-Denis. Et évidemment, la similitude entre la démarche de Lenoir et celle de Louis-Philippe est extrêmement frappante et a fait l'objet de travaux dédiés. Ces déplacements de tombeaux suscitent alors l'indignation des sociétés savantes locales, outrées de tels prélèvements, jugés à la fois contraire à la bienséance religieuse et surtout choquante du point de vue du patrimoine local. Il me semble par ailleurs que l'entreprise de copie initiée par Louis-Philippe est tout à fait représentative de l'intérêt porté dans ces années-là au recensement des grands monuments de la France. Et je rappelle à cette occasion que les voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France du baron Taylor datent justement de cette période, puisqu'ils sont publiés entre 1820 et 1878. Ajoutons que... Ajoutons que le nombre de copies des portraits peints comme sculptés est conséquent puisqu'il est 676 sur 2000 pour les portraits à la fin des années 1830, soit une proportion d'environ 30%, état de fait qui a valu au musée historique de nombreuses et très sévères critiques dès l'époque de la monarchie de Juillet. Et je vous en lis un court extrait tiré d'un ouvrage de Courtois intitulé « Le musée de Versailles » et datant de 1837. Chacun disait « C'est écrit d'hier et daté de Versailles. Ce musée vient enfin d'être livré à la vindicte publique. Pardon. La mauvaise réputation des pères est toujours si nuisible aux enfants que les bruits les plus fâcheux avaient précédé son apparition dans le monde. Les plus modérés disaient que c'était un favori sans mérite. D'autres, moins courtisans, allait jusqu'à répondre que c'était un enfant trouvé au coin de la rue et accueilli par ignorance dans le palais. L'accusé s'est présenté devant ses juges, paré de ce faux éclat qui blesse la vue et déguise la pauvreté, mais l'œil scrutateur du jury, écartant ses oripeaux, a su découvrir la vérité. Le bon goût est vengé, justice complète a été faite de cet usurpateur, le titre de musée lui est interdit à jamais. Dépouillé de tant de grandeur et de magnificence, avili par ses rebuts des greniers du Louvre et des encans de la place publique, ses galeries royales ne sont plus qu'un local d'exposition. Ce musée, ou plutôt ce bazar, offre l'étrange anomalie d'un faste de décors et de cadres, d'une valeur bien supérieure à celle des travaux qu'il renferme. Mais dit-on, c'est un monument national qui relie, comme un seul volume, les pages de nos glorieuses annales et les portraits de tous nos personnages célèbres. Étrange aberration de l'esprit. L'histoire écrite a ses titres-livres, ses Tacites, l'histoire peinte aura ses Paracel, ses Vanloo. Par modestie, Protogène n'ose peindre les campagnes d'Alexandre, le seul appel reproduit les traits du héros, et nos annales, nos grands hommes, seront livrés à la caricature. Ceux-là même qui ne pourraient se soumettre à entendre la lecture d'une mauvaise histoire de France ont la prétention d'en faire goûter une, écrite au pinceau, dont la vue serait insupportable aux esprits les plus vulgaires. Face à cette description donc assassine des galeries historiques, on peut souligner que la copie n'est, du moins dans l'esprit de Louis-Philippe et de son entourage, pas incompatible avec un certain degré d'authenticité. L'exemple du portrait de Lafayette illustre bien, donc, que je vous présente à l'écran, illustre bien la recherche, cette recherche de véracité, puisqu'Alphonse de Cailleux, directeur adjoint de l'administration des musées, écrit en 1834 à l'intendant général de la liste civile Camille de Montalivet, que je cite, le seul portrait authentique du général Lafayette est celui qui a été exécuté dans ces derniers temps par M. Schaeffer aîné, qui s'est empressé de consentir à ce qu'il en soit fait une répétition. Cette division autour de la valeur du portrait m'amène à mon troisième et dernier point, à savoir la question de la valeur intellectuelle, politique ou encore sociale du genre du portrait à Versailles. Je disais dans l'introduction de mon intervention que le musée historique s'inscrit dans la lignée des galeries d'hommes illustres de l'Antiquité ou de la Renaissance, à la différence près de son ouverture à un public large. Et en effet, la question du public est l'une des composantes fondamentales des galeries historiques. Contrairement aux galeries privées, aristocratiques ou royales, destinées à un public très restreint, composé des propriétaires du lieu, voire de leurs invités tout au plus, les galeries historiques de Versailles n'ont de sens que dans leur ouverture à la nation dont elles s'estiment l'incarnation. À travers le destin individuel de ces hommes et femmes illustres, c'est l'excellence nationale qui a vocation à apparaître, l'individualité ne pouvant ici être comprise que par sa relation au tout. Paradoxalement, l'individu n'est représenté à Versailles que pour mieux disparaître derrière le collectif. Louis-Philippe lui-même cherchant à se réfugier derrière l'identité nationale française pour mieux dissimuler sa singularité et peut-être son isolement. Il serait néanmoins incorrect de prétendre ignorer les relations éminemment personnelles et individuelles entretenues par le public avec ces illustres figures. Non seulement le public de Versailles se reconnaît dans ces personnages, parfois croisés au détour d'une campagne militaire ou côtoyés dans le cadre de carrières politiques, mais les visiteurs ne manquent pas de s'identifier à ces héros portraiturés dans le temple de la grandeur française, comme en témoignent les nombreux courriers adressés au roi ou à l'administration des musées par les descendants de personnages plus ou moins connus, désirant voir le portrait de leur ancêtre suspendu aux côtés de ceux des grands hommes de la patrie. Souvent touchantes, ces lettres révèlent à quel point le musée historique revêt une importance toute personnelle pour toute une partie de la population française, généralement issue des classes supérieures, il faut bien l'avouer, et l'on peut imaginer que les demandes de ce type ont dû être très nombreuses, beaucoup plus que ce que le laissent supposer les archives des musées nationaux, et que l'administration des musées a dû souvent y opposer une fin de non-recevoir, à juste titre, comme l'expliquent d'ailleurs certains auteurs, et j'avais prévu de vous lire une citation, mais le temps m'est compté, donc je me contenterai de conclure. D'ailleurs, ces témoignages, on en conserve un certain nombre, et j'avais là encore prévu des exemples, mais je pourrais y revenir dans les questions si cela vous intéresse. Il y aurait donc encore beaucoup à dire sur la question du portrait à Versailles, mais il me faut malheureusement conclure cette intervention. J'espère vous avoir montré à quel point les collections de portraits contiennent en germe tous les grands enjeux du musée historique. La définition de ces collections, les ambitions politiques et intellectuelles de Louis-Philippe, les partis pris esthétiques et artistiques de l'administration des musées, le lien personnel très fort qui unit le musée à ses visiteurs, quoi que puisse en dire la presse et les nombreux détracteurs du musée. Par ailleurs, cette collection de portraits ne cesse pas d'exister avec l'abdication de Louis-Philippe, puisqu'elle continue à s'enrichir sous le Second Empire notamment. Et je vous laisserai sur cette magnifique photographie de Disderi de la Galerie des Batailles de 1857. Napoléon III et son épouse entreprennent en effet de réaménager un certain nombre de salles qui accueillent les portraits de la famille impériale, d'autant plus que l'espace au sein du musée commence à se faire rare et peine à répondre aux besoins de place des commandes qui continuent à affluer. Aujourd'hui, ces portraits sont encore visibles, notamment dans les galeries de pierre, même si le véritable panthéon qu'était le Versailles de Louis-Philippe a perdu de sa cohérence et de son intégrité. D'une certaine manière, Versailles présageait l'émergence du culte des grands hommes en germe depuis la Révolution française et qui trouvera peut-être son apogée au cours de la Troisième République. Et bien que les collections de portraits de Versailles aient aujourd'hui cessé de s'enrichir, la relation de la France à ces grands hommes et grandes femmes est loin d'avoir disparu, comme en témoigne la conservation de l'habitude de la panthéonisation, incarnant de nos jours encore le besoin d'élaboration d'une mémoire nationale et d'un référentiel de valeurs communes dont ces héros de la patrie sont les vecteurs. Je vous remercie.